c'est la méthode peut perdre la fait à zoka ba mandataire tient na ba société partout à sale ba ministre partout à sala tient ba tout ba gouverneur et province bango tout ba zo cotiser. Voilà pourquoi bazaki na mbongo bazaki na possibilité ya ko sala oyo bazaki kolinga. Peut-être que INC avec Kamere ne loko bazaki koluka bazala na mbongo ebele et pesa bango pouvoir. Basera na discours à Koloba na 2023, si le président Félix échoue, bah Koloba non, voilà, il a échoué, nous on n'a pas été ceci, d'ailleurs nous on était seulement directeur de cabinet. Et, si ça arrive, discours wana eko tenir. D'où maintenant il y a des pèses pongi ezebele. Chaque jour, bakangaki mukoko, bakangaki mukoko banaboy. On voit même le haut cadre de l'UDPS être absent dans les médias. Et l'élément moussous, on a répété en gros, Tolobaki, l'UDPS est à la télévision. Il y a Bino, il y a parce que le président a tout libéralisé, RTNC comme il y a tout, il n'y a pas la possibilité, il y a Koloba, il y a Bokolinga, il y a pas une minute, il y a un peu de temps aussi. Télé Afrique, Ezaya Roubero. Canal Futur, Awa, Ezaya Kamere. Oyo RTG, y a Pius Mwabilou. Télé 50, y a Joseph Kabila. Digital, y a Joseph Kabila. Tu vois, maintenant, Bango Bazana, si vous voulez, Bana ba télévision na Bango. La Mouka, Azana Canal TV, Azana CCT, Bazana Molière TV, c'est eux. Population est l'andaka. À un moment donné, on n'a pas besoin d'être toujours dans la rue. Il faudrait que l'IDP ça dans la télévision. Ça, il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut TV wana ezala. Et si vous pouvez passer un message, il y a tant de bolingi. Parce que si vous avez besoin de temps, na RTNC, vous aurez un combat avec Jolino Makelele. Vous aurez un combat avec Kamere. Vous aurez un combat avec les autres. Je ne vais pas me mettre seulement à condamner Kamere ici avec son INC. Ça, on connaît déjà et on connaît la personne. Mais néanmoins, nous sommes à Ariel Touamouté. Nous sommes à Laura Batoumonate. Apparemment, c'est comme si le cadre minéne et minéne n'y a pas de pendant la campagne d'élection. Parce que les Congolais sont maîtres de ministres. Si vous êtes déjà député, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont déçus, ils sont déçus, ils sont déçus. On ne peut pas, le président de la République, nombre de Pesaki Bango, il y a 23 ministres. Comment est-ce qu'ils pouvaient vous partager ministère Aningaka, Kata Kata Kata Yango, Natuba Secrétariat, Bele, Pobo Zarakuna, Nakati Zangin. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites. Je constate le relâchement peut être dû à ça. Parce qu'il dépense à tirer la distraction. Secrétaire général Kabuya, a zobima sporadiquement. Kabunda Zana Moussala Mounene Eskazali. Il est excusable. Où est Paul Tchilumbu? Où est Germain Chabane? Où est Ebomma Blavi? Où est Peter Kazad? Ba allié Moussous, Ouamou, Vidye Chimanga, Laura Batumona, Kinkewa Mulumba, vous êtes où? Vous êtes où? Et donc, c'est clair. Deuxième volet à problème, voyage à chef de l'État na Belgique. Na lobi na phrase moko baluba balobaka, Kabuluku, Kateya Kambila. Kabuluku Kateya Kambila. Bokende ko solola yango. Je ne suis pas d'accord personnellement de voir mon président de la République à Ké Belgique à la rana hôtel bango bako présenter. Mutubazo benga européen. Un occidental couper sa confiance. La France qui a toujours dominé la Belgique, le quoi la France a kendeki nanzela ya lamuka a échoué, France a kobimera na côté à Belgique. Parce que Emmanuel Macron a bengi, président Félix, Félix ne répond pas. Maintenant, Belgique a sengi aya. Nous n'allons pas oublier Louis Michel. Bangonde Bazalaki, ba camarade intime ya Kabila, Joseph. Et Louis Michel même renforcer le pouvoir dictatorial. Est-ce que ces gens-là, Oyo Bazaki Kobetaku, Papa Étienne, va faciliter le président Félix Tache? Lorsque Baluki Luki yena batasian sokil ta kota rose kura akota framaso kota boyazo kota te, ces gens-là, est-ce que bakotika est tranquille? Invitation wana. Et ça réellement yanin. Si la Belgique a besoin du président Félix, pourquoi elle ne vient pas ici? Tango bazoko senga akende kaka kuna. Bien sûr que oui, le président afanda kaka kuna na Belgique, atangi kuna. Azape nanda kukuna. Mais en tant que président de la République, moi doute il faut ezala. Parce que ngana yebi batu, ils peuvent mettre une chambre batie ba peinture na bango ya mabé. Ils peuvent prendre un véhicule, ce qu'on doit préparer dans le véhicule, on ne peut pas connaître. À côté à ça la cortège. Et au même moment où je suis en train de parler, batu ala mukebele ba voyager ba kei na ngambo Europe. C'est pour préparer les sabotages en Dengenini. France, Belgique, va préparer ma caméra, va tout moko boye va côté les manaba tomate, na ba projectile, va boire que la cortège à Félix pour dire que la population ne l'aime pas. Et bangotango boko zo image va kolinga ba exploiter ma casse koleka. C'est là le problème. Je suis en train d'insister, c'est là le problème. D'où, ceux qui présent voyager en avion d'ailleurs. Si moi j'étais tout près de lui, je lui dirais, monsieur le président, vous avez un hôtel à l'aller en avion. Et il y a réunion, tu continues à manger sale moko. Tu soleil les cils, je ne bois rien, je ne mange rien. Oh, pour la rencontre, ceci. Je peux même vous envoyer un message que non, je ne bois rien, je ne mange rien. To sur la caméra boto et là qui est sili. Ou bien tant que vous soleil sili, vous avez un avion, matière, allez, pour même baramoko, vous avez un yawa. Vous n'avez pas besoin de leurs hôtels. Si ça, ça ne complique pas, pour moi, bon, quand on a la garde, on a yo, ou comme on a dit la Belgique, la lacuna, on a entouré Réon Wana et sili, on a protégé yo. Mais je ne suis pas d'accord dans l'hôtel, dans l'hôtel. Et parfois même, on voyage dans le micro. Ce sont des gens, des pays comme la Belgique, la France, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, Banin, ils ont la décadence à Makassi. Les pays qui ont été tenus, ils ont l'Allemagne, l'Angleterre, la Norvège, la Finlande, la Suède, le Danemark. Ils ont été tenus, ils ont été tenus, ils ont été tenus, yo yo yo yo. Italie, banini. Parce que mystique na bango est pété déjà. Tant que cathédrale on ezikaki, la terre là n'a plus supporté, cette puissance. Babengango cathédrale Notre-Dame. Mais qui est Notre-Dame? Notre-Dame c'est Europa. Europa c'est une femme qui était la fille de Enus. Et Nice, en France, il y a très bien. Europa fut la grande sorcière, ba dédia qui est pas espace union soana. Cathédrale wana, il y a qui siège na yé. Le temps est arrivé où le noir doit tout reprendre. Il y a un loco zika qui wana. Ba essayer de sauver le loco mike, mais il n'y aura pas la possibilité. Tant il y a ba africain et comme il pembeni ba récupérer mon cousin à Bango. Alors, batouana na moment na bakolinga, bakufana batou ebele. De loko basa ko sala précipitamment. Yango no moni sikoyo na Afrique. bon zambé na biso bo koko na biso ndenge zalaki tozaki batu ya luzitu batu ya respect ba ekokoti sele biso ba lesbienne basi ba komo boya mebali basi basalaka bikobo entre basi bango moko ba homosexuel ba ekokota toyebaka lisolo wana te botala malamu ba bandaki lisolo moko ebandi awa bandaki attention nous faisons les examens pour na kontrole cancer ya utérus kalanyoso ezalaki te soki boyoki mundela bandi boy c'est-à-dire na kati ya biloko batindaka tolia na kati ya bakisi batindaka na ba hôpital basi batie maladi wana maintenant tango kokoma batalika oh cancer de sein totala kasi mate na bakoko na biso cancer wana toyebi yango te césarienne toyebaki yango te biloko na sadi mundele atie deja maladi pa na biso aza koya sikona kisi na epo ateka ozwa ka yango ozui o orechite ozui orechite bande ko bamitu na myom myom myom oye ko ko dondo awe myom na ba 1900 na ba 2000 myom to start kala nyonso ezalaki wapi AVC oyo ezalaki wapi attention rappelez-vous ko kufa ya docteur Lurumba tango atelemaka po atraite makambo oyo etali sida tala kaka ndenge makambo bimaki awo ya oli ilunga aza koboya muyembe aya kosala musala le muyembe asali musala maîtriser loko wana na yokelaka ye mawa atikaka biloko babenge bapesa medaille medaille nde esika okosutukaka boye kamwa maladi ya muke akei parce que mundela akosepela jamais azala na se po to dirige ye mais moment wana yango eche koki monsieur le président de la république mon très cher président de la république to essayer ko réfléchir la muka za zela yo kuna na poto abwa kelo mabanga abwa ka ba tomate po balo ba kele balinga ka ete mindele ba kopera kana bango ba kopera kana ba mususu ba tya impère baza kuna alors biso tuto zonga na nzambe na biso ya kala ça va aller boni boni batupo asala na société balobi kota na science occulte soki aboyi baboyi ile musala kala ezalaki te mosika wa église pe ya reve ezawa otya musapilikolo tosambele po ozwa musala pona nini église réveille lobite ke tokosambela lelo po batu songolo nyonso bakufa po bana ya nzambe batikala na kimia e batu boni bazwaka musala à travers prière wana ce sont des questions à se poser bomengo oyo tozali na yango batu bakomi yango na bible bayokaki soni ya koyebisa bino ke paradis oyo balobaka paradis eza RDC paradis eza musika mosusu te eza na bato baza na miso ya molimo ba comprendre que biso ndenge tozala toza na paradis mais satan aza kobundisa biso na kati ya paradis esika tozali akoteli na ndenge ya religion aye parce que bayaka na religion na sac bible na kati na revolver bible na kati na poison bible na kati na makambo nyonso ya mabe lokola tozaki tozalaki bato moko ya bonzambe ya makasi tondimbaki tokanisi ke nzambe mpungu tosambelaka nde ndenge moko baye na oyo nzoka ezalaki poison bango moko baza koprepare parce que basala makambo wana ata epai oyo ya yesu azalaki kofanda basala baisraelite ndenge moko mpe baza na mawa te eloko wana ekota na mutu ete ya bino nzambe abakoka apambola bino aaccompagne président na biso de la république akende bien azonga bien parce que ngonga ya moto moyindo kotelema yangoyo papa mama ofandi na Royaume-Uni to pe ozala ndeko na Londres pesa esango ya agence de fret ya ba professionnel yango oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni na Kinshasa toza sur quartier Kimbangu croisement Elengesa Makanzu na rez de chaussée ya immeuble Jimbo commune ya Kalamu van eza koya na ndaku na yo na Angleterre mpona kozwa biloko kotinda na Kinshasa koli na yo ya lolenge nyonso olingi otinda nini motuka carton vélo